Tellement je barre haut, je suis impossible à suivre, impossible à vivre, imprévisible, trop peu le savent, la pure MC qui arrive. Et tu connais le tarif, je cours jamais dans le ZEF, mets le micro dans le kiff, le public dans ma poche malgré un coup dans le pif. Inimitable, obligé que t'as déjà vu ma coupe de tif, paf, je suis donc parti en clash, je pourrais te donner des cours de bif, me contrôle fou des petites baffes. Quand la foule s'esclave, j'affiche ma torgnole. Seul le profession taf, tout le reste somnole. Je suis formel, me prends la top aussi et sans clan comme belle. Je traverserai les époques, mais porterai pas l'os ring en tel, je reste un vrai gars. Même quand je m'égare, provoque tant de dégâts. Mène une vie palpitante parce que le calapé dans ses gars, mes magas, je connais toutes les gares. Celle où c'est le tel bord, celle où on se fait bébar. Esquive la smisure, contrôle de l'heure, terminus des stars. Les gars routières ou les chats de gouttière deviennent les pires que les bars. Ou les Clément Pierre retournent en chaud, c'est on slip à la pointe des bars. Mais Gus tape des kilomètres pour se faire pomper le dard. Dans le dernier bus, Cendrillon, tu risques de rentrer très tard. Ma puce, chauffeur de taxi, pratique des sales astuces. Et le petit roumain connaît le code de ta carte à puce. Quand je quitte les zones, je fais pas de faux départ. Je vais sonner chez Piggy la cochonne, car Cupidon répondait pas. Devenu un chacal puant, avec mon rap affluent. Je laisse des traces dans Paname comme un molar gluant. Yo.